pays, j'balaque. J'avale un grand café noir. Oh, mes lunettes, ma mallette, accessoires obligatoires. Les miroirs du couloir multiplient ma silhouette. L'ascenseur me fait peur. À chaque étage, mon cœur s'arrête. Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Jusqu'au soir, je m'étends un instant, les jambes à la verticale. Je respire et j'expire dans un mouvement machinal. L'oxygène. Donnez-moi, donnez-moi, mais donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Dans une cour d'école, un enfant qui joue avec un Oxygène.